Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Bah oui, bonsoir ou bonjour, parce qu'on ne sait pas trop à quel moment vous serez amené à écouter ce petit nouveau format d'émission. On s'adapte à la situation actuelle, hein. Donc vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal sur les ondes de Radio Béton et les ondes du 93.6. On s'est un petit peu adapté à la situation, hein, comme vous l'avez remarqué, c'est un petit peu compliqué de se balader, machin. Donc aller faire du live directement au studio de la maison mère, c'est un peu complexe. Le temps de se monter un petit setup de gitan à la maison. Et nous revoilà à enregistrer de l'émission, hein. Donc on est sur un format un peu différent, ce qu'on va enregistrer à domicile. Et on fera en sorte de mettre les piges en ligne sur notre petit blog Hellbanger Radio Show. Et puis bien sûr les intégrer aux piges de Radio Béton pour que ça puisse passer via Polo, voilà, ou bien le dimanche soir, ou bien n'importe quel autre moment de la semaine. Donc voilà, on espère que vous continuerez à être présents au rendez-vous pour cette durée indéterminée. Et puis, place à la musique tout de suite, hein. On va fonctionner par doublette, ce sera plus facile pour nous à présenter, plus digeste pour vous à écouter. Et l'émission d'aujourd'hui, hein, commence avec les Américains de Body Count, le groupe de fusion emmené par le rappeur Ice-T depuis le début des années 90 ou la fin des années 80, comme on veut. Body Count sort son nouvel album Carnivore, on va s'écouter le morceau Point the Finger, et juste derrière les Allemands de Dark Fortress, le groupe de progressive mélodique black metal Pictures from the Old World, avec le titre Pazuzu. Voilà donc pour la doublette d'ouverture pour l'émission d'aujourd'hui, et c'est parti. Après ça, on passe à la doublette suivante avec les vétérans hollandais de Thanatos, le vieux groupe de thrash death, qui nous vient de Rotterdam, hein, des contemporains de Asphyx. Thanatos que l'on voit de temps en temps sur des affiches extrêmes un peu partout en Europe. Il y a eu un flou après la sortie de Global Purification en 2014, et là en 2020, ils sont revenus avec Violent Death Rituals. Ce nouvel album voit notamment l'intégration de Moose Mirror, le gros cordiste de chez Melekech. Et puis bien sûr, dans la rang de Thanatos, hein, comme je le disais, c'est la scène extrême hollandaise. Donc on compte des membres ou ex-membres de Isles of Bullet, Asphyx, etc., etc. Donc voilà, Thanatos, ce nouvel album studio s'intitule Violent Death Ritual. Et on va s'écouter tout de suite le morceau Silent War. Et juste derrière, une fois n'est pas coutume, on va s'écouter du metalcore, mais bon, du metalcore bien old school, les Millennials de Heaven Shall Burn. Des groupes de metalcore, on en écoute d'ailleurs avec l'ami Sylvain, pas énormément, mais Heaven Shall Burn, ça fait partie de ces groupes qui ont traversé les années, déjà il n'y a pas de chant clair, et qui gardent vraiment l'efficacité du début des années 2000. Of Truth and Sacrifice, le nom de leur 9e album studio, voilà, on apporte une preuve supplémentaire de l'efficacité de Heaven Shall Burn, et on s'écoute tout de suite le titre Protector. Shut Oh, Après ça, on reste en Europe avec les Allemands de Stallion, groupe de revival heavy speed qui nous vient d'Allemagne. Le groupe sort son troisième album studio intitulé Slaves of Time. Ce nouvel effort de Stallion est bien sûr déjà disponible sur le label Hydroller Records. Stallion a déjà diffusé les albums précédents. Le titre d'aujourd'hui sera le morceau Brain Dead. Et juste après ça, on passera aux Suisses, aux Lausanniens de Borgne, le groupe de black metal Indus Black, qui sort son nouvel album studio, sobrement intitulé Y. Ce nouvel effort de Borgne est déjà disponible et on s'écoute le titre As Far As My Eyes Can See. Borgne et juste avant ça, Stallion. Of the world. Voilà, à noter que Borgne vient de sortir ce nouvel album sur le label français Les Acteurs de l'Ombre. Autre doublette tout de suite, avec tout d'abord un groupe bien old school qui nous vient du Brésil, du fin fond des âges, formé au tout début des années 80. Vulcano, groupe de metal extrême, un peu black, un peu death, un peu trash. Ils sortent un nouvel album studio intitulé Hey in Hell. Voilà, les gars n'ont pas évolué depuis plus de 30 ans, hein, bientôt 40, mais bon, ça reste toujours efficace et toujours une référence en la matière. Vulcano, donc avec un extrait de leur nouvel album, l'extrait qu'on s'écoute tout de suite, c'est Cursed Babylon, et juste derrière par contre une nouvelle formation pour nous, puisque c'est une découverte, à savoir le groupe de heavy epic doom canadien Smolder. Groupe de Heavy Epic Doom à chanteuse avec non pas un album mais un nouvel EP intitulé Dream Quest Ends. Ce nouvel EP a une pochette assez soignée, hein, on est dans quelque chose de très traditionnel en termes de Heavy. Ce nouvel EP, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh ben, une cover de Manila Road et des versions démo d'anciens morceaux et de titres inédits. On va s'écouter d'ailleurs tout de suite le titre de l'EP Dream Quest Ends de Smolder, et c'est parti. Toujours à l'écoute d'Elbanger, l'émission tant bien que mal, 100% métal sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, ou pour la période actuelle via notre petit blog internet. Voilà, après la doublette précédente, une doublette bien extrême tout de suite maintenant, avec tout d'abord les Américains de Tombs, groupe de post-extrême métal, puisqu'on retrouve aussi bien du black que du death, il y a des moments où ça trash carrément. Des morceaux un peu plus sludgy, voilà, Tombs ne sort pas tout de suite un nouvel album, seulement un EP sur le label français 6-9 Mist, un EP 6 titres, enfin c'est un long EP, hein, il fait plus de 30 minutes, ce nouvel effort studio de Tombs. On va s'écouter tout de suite l'extrait Necro Alchemy, et dans la foulée, on s'écoutera la sortie des excellents Égyptiens de Scarab, le groupe de death metal fortement, évidemment, inspiré par Nile. Bon, eux, ils sont un peu plus dans le jus des histoires qu'ils racontent. Hein. Martyrs of the Storm, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Scarab, voilà, l'album déjà disponible. Et on va s'en écouter tout de suite l'extrait. Oblivious Sanctum, Scarab, et juste avant ça, Tombs. Voilà, on continue à dérouler tranquillou l'émission avec maintenant une entrée dans la spé française. Oui, ça, on déroge pas aux bonnes recettes, hein. Toujours un temps au creux de l'émission consacré uniquement aux sorties hexagonales, à savoir une des plus importantes de ce premier trimestre, Regarde les hommes tomber, le groupe qui sort son troisième album studio sur le label français Season of Mist, un album extrêmement attendu au vu de la qualité des deux précédents. Un titre assez long, donc celui-là on va pas se le mettre en doublette, hein, on va vous laisser l'apprécier en tant que morceau monolithique seul. Le morceau donc de Regarde les hommes tomber, intitulé Stellar Cross. Et c'est parti.